Chapitre 56, le numéro 9 de la Strada Volturno. Le général Harding termina promptement l'affaire qui l'amenait à Londres. Elle était trop importante pour admettre le moindre délai. Le vieux légiste lui-même fut de cet avis. Quand le vétéran lui mit sous les yeux l'horrible lettre du bandit et son contenu plus horrible encore. Le voyage qu'il avait accompli en Italie disposait d'ailleurs M. Lawson à reconnaître la gravité de la crise. Il insista pour l'adoption de mesures immédiates. Il aurait été imprudent de confier 5000 livres sterling à la poste, encore plus de la charger de la solution d'une question où il ne s'agissait de rien moins que de vie ou de mort. Un clerc de confiance même n'était pas à la hauteur de cette mission délicate. Et après une courte conférence entre le légiste et son client, il fut résolu que l'associé du premier, Lawson fils, se rendrait à Rome et se mettrait personnellement en rapport avec le signor Jacopi. Qu'était ce signor Jacopi ? On ne pouvait échafauder que de vagues conjectures sur l'individualité de cet étrange spécimen de l'humanité qui s'était si audacieusement présenté à Beechwood Park et qui, devant l'imminence d'un châtiment sommaire et la menace de la prison, avait fait preuve d'une aussi superbe indifférence. Le premier train de Douvres emporta le jeune Lawson, en route pour l'Italie, avec une sacoche renfermant 5000 livres en monnaie d'or frappée à la gracieuse effigie de la reine d'Angleterre. Il était armé de toutes pièces pour son entrevue avec Signor Jacopi. Avant l'expiration du délai de 10 jours stipulé dans la lettre du brigand, le légiste de Lincoln's Inn entrait à Rome, et le jour même, sa lourde sacoche à la main, il parcourait les rues de la ville, cherchant la Strada Volturno. Il trouva ces rues dans un désordre anormal. Au lieu des moines encapuchonnés et des cardinaux en robe de soie, des galants tuomos et des femmes aux éclatantes toilettes, des sbires et des gendarmes qui les encombraient autrefois, il n'apercevait que des hommes à la physionomie ouverte, à la démarche ferme et assurée, portant de longues barbes, revêtus d'un costume mi-parti civil et militaire, armés jusqu'aux dents, et évidemment maîtres de la situation. Monsieur Lawson Jr. ne s'étonna pas d'entendre de temps en temps sortir de la bouche de ces hommes le cri de « Vive la République romaine !» Il y avait été préparé avant de quitter l'Angleterre, et ce ne fut qu'au moyen d'un passeport bien en règle qu'il put traverser les lignes des révolutionnaires et mettre le pied dans la ville éternelle, alors menacée d'un siège. Une fois dans les rues, cependant, il ne rencontra plus d'obstacles, et sans perdre de temps, il se mit en quête du signor Jacopi. Il trouva sans difficulté la Strada Volturno et la maison portant le numéro 9. Les hommes à longue barbe et à ceinture bourrée de pistolets répondaient sans brusquerie à toutes ses questions. Il lui indiquait même son chemin avec cette bonne humeur et cet empressement qui distingue les allures de citoyens ayant accompli une heureuse révolution. Il ne parlait pas de signor Jacopi, se contentant de demander la rue et le numéro. Il lui semblait qu'arrivé à la porte, il serait assez temps de prononcer le nom du mystérieux individu, auquel il allait remettre une charge de pièces d'or qu'il n'avait cessé de passer d'une main à l'autre pendant sa pérégrination et dont le poids lui avait presque désarticulé les épaules. Il parvint donc sans encombre au domicile cherché. Il ne pouvait exister aucun doute sur le propriétaire, l'inscription suivante se trouvant inscrite sur la porte « Signor Jacopi, Sollicitario ». Le sollicitario londonien frappa et attendit qu'on vînt lui ouvrir. Il n'était pas sans éprouver quelque curiosité de faire la connaissance d'un membre de la confraternité qui instrumentait d'une façon si particulière qui pouvait exiger le paiement de 5000 livres et l'obtenir sans l'intervention d'une cour de justice quelconque, tribunal ou jury, enfin dont la pratique s'éloignait autant des us traditionnels de Lincoln's Inn. La porte s'ouvrit, mais pas avant qu'un second coup de marteau eût été donné et après un délai considérable. Le concierge retardataire était une horrible vieille âgée de 70 ans au moins, mais une semblable apparition n'était pas faite pour intimider un avoué de Lincoln's Innfield. C'était probablement la femme de charge du sollicitario. « Est-ce ici que demeure signor Jacopi ?» demanda M. Lawson Jr., qui, ayant accompagné son père en Italie, savait suffisamment se faire comprendre. « Non, non, mais son nom est sur la porte. »« Ah, c'est vrai, » répliqua la septuagénaire. « Ils ne l'ont pas encore enlevé. Ce n'est pas mon affaire. Je ne suis ici que pour garder la maison. » « Voulez-vous dire que signor Jacopi n'habite plus ici ?»« Eh, Cori, quelle question. Vous plaisantez, signor. »« Plaisantez. Je n'en ai pas envie, je vous assure. J'ai une affaire importante à traiter avec lui, et très pressée. »« Une affaire avec signor Jacopi, Madonna Virginie, » ajouta la vieille avec un air de consternation et en se signant d'une main tremblante. « Mais certainement, que voyez-vous d'étrange à cela ? Affaire avec un homme mort ? Dio mi amiti. »« Mort, vous ne parlez pas, sans doute, de signor Jacopi ?»« Et de qui donc, signor ? Chacun sait qu'il a été tué pendant l'émeute, le premier jour, abattu d'un seul coup, puis relevé et pendu à une lanterne, parce qu'on assurait qu'il faisait partie des... Oh, signor, je ne puis vous dire ce dont on l'accusait. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a tué, qu'il est bien mort, et qu'on m'a mis ici pour garder la maison. » Dans son saisissement, le jeune légiste de Lincoln's Inn laissa lourdement choir sur le seuil son sac d'or. Il commençait à craindre d'avoir fait inutilement le voyage de Rome, et cette crainte se réalisa. Tout ce qu'il put apprendre de Signor Jacopi fut que, juif algérien d'origine, il s'était établi dans la Sainte Cité et avait embrassé le catholicisme, qu'il pratiquait la loi, c'est-à-dire cette partie de la loi qui, à Londres, lui aurait valu le nom de légiste des voleurs, qu'il avait l'habitude de faire de longues et mystérieuses absences, sans qu'on pût dire où il se rendait, personne ne reconnaissant avoir entretenu avec lui d'intimes relations. En conséquence de quelques faits non expliqués, il avait attiré sur sa personne la fureur de la populace, pendant les premières heures de l'explosion révolutionnaire, et il en était tombé victime. Ces détails et quelques autres, d'une nature aussi vague, furent tout ce que le légiste londonien put apprendre touchant son confrère de Rome, mais il n'obtint aucun renseignement relativement au but de sa mission en Italie.